Le signal d'interdiction de stationner est inscrit au milieu d'un panneau carré. Cela signifie que l'interdiction concerne toute une zone. Le stationnement est donc interdit à partir du panneau, à gauche comme à droite de la chaussée. Le stationnement sera à nouveau autorisé lorsque j'aurai rencontré ce panneau. Réponse A et B.